بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu la parabole qui se trouve dans Sourate le vendredi, Sourate al-Jumu'ah. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier la parabole qui se trouve dans la sourate le revêtu d'un manteau, sourate al-Muddathir. Et cette sourate est mécoise à l'unanimité des savants. Et la cause de la révélation de cette sourate est venue dans de nombreux hadiths. Parmi eux, le hadith de Jabir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis que je marchais, j'entendis une voix provenant du ciel. Je levai la tête et aperçus l'ange qui était venu à moi à Hira, assis sur un siège entre ciel et terre. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'eus peur de lui, rentrez chez moi, et dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Ils me revêtirent d'un manteau. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors: Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Selon la traduction, ô toi qui recouvre d'un manteau, lève-toi et avertis, proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements, écarte-toi de l'adoration des idoles. Et concernant la parabole que nous allons étudier aujourd'hui, elle se trouve dans le verset 48 et 52. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, qu'ont-ils à se détourner du rappel, tels des onagres terrorisés, fuyant devant un lion. Donc cette parabole concerne ceux qui se détournent du rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'ils sont semblables à des ânes sauvages fuyant devant un lion. Et la question qu'on peut se poser ici Et quel est le lien de ressemblance entre celui qui se détourne du rappel et l'âne sauvage fuyant un lion? Et la réponse est que l'âne sauvage, lorsqu'il voit ou entend un lion ou bien un chasseur, il prend peur et il fuit. Et comme vous le savez, lorsqu'il fuit, il ne fait pas semblant. Il fuit tellement vite que s'ils sont plusieurs ânes, il va être la cause de la fuite des autres ânes du troupeau. Donc en résumé, il a tellement peur du lion ou du chasseur qu'il les fuit à toute vitesse et qu'il se détourne d'eux aussi à toute vitesse. Tout comme celui qui se détourne du rappel pour ne pas être influencé par celui-ci. Il est semblable à l'âne qui fuit le lion ou le chasseur. Et ici, j'aimerais attirer donc votre attention sur l'animal qui a été choisi ici pour illustrer celui qui se détourne du rappel. Et l'animal qui a été choisi ici, c'est l'âne. Et l'âne, dans la langue arabe, illustre la bêtise et la stupidité. Et ne pensez pas que l'âne ici a été mentionné par hasard. Car en effet, celui qui se détourne du rappel, il se détourne d'un immense bienfait. Et le fait qu'il se détourne de ce qui est profitable pour lui, ceci montre à quel point il est stupide. Car il se détourne d'un grand profit et il se détourne de la chose la plus importante. Si par exemple, on dira à quelqu'un, demain par exemple je te donne 100 000 euros. Si tu me rejoins à cet endroit, par exemple à une heure bien précise, 7 heures du matin, pensez-vous qu'une personne sensée va refuser et se détourner de cela? Il n'y a pas de doute que toute personne raisonnée va être au rendez-vous. Et pour la plupart, et Allah est le plus savant, même avant l'heure du rendez-vous. Alors que dire du rappel, du Coran et de la religion, ce qui va être la cause de ton bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il n'y a que quelqu'un de stupide qui peut faire cela. Et donc ici, l'âne illustre clairement cette personne qui s'est détournée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, celui qui s'écarte du rappel est dans une situation très dangereuse. Allah subhanahu wa ta'ala se détourne de celui qui s'écarte du rappel. Et les preuves à cela sont nombreuses. Parmi elles, nous avons le hadith de Abu Waqid al-Layfi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Donc Abu Waqid al-Layfi a dit, tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée en compagnie des gens, trois hommes entrèrent. Deux d'entre eux s'avancèrent vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le troisième se retira. L'un d'entre eux ayant aperçu une place libre dans l'assise, alla s'y asseoir. Le second s'assit à l'arrière de l'assise. Et quant au troisième, il tourna le dos et se mit à s'éloigner. Ensuite, Abu Waqid al-Layfi dit, lorsque le messager d'Allah eut terminé, il dit, « Voulez-vous que je vous informe au sujet de ces trois personnes ?» Quant à l'un d'eux, il a cherché le refuge auprès d'Allah et Allah le lui a accordé. Le second a eu honte et Allah a eu honte. Et le troisième s'est détourné d'Allah et Allah s'est détourné de lui. Fin du hadith. Et nous avons aussi dans le Coran de nombreuses preuves qui nous montrent à quel point celui qui s'écarte du rappel est dans une situation très dangereuse. Parmi ces preuves, nous avons le verset 124 à 127 de sourate Taha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné en enfer. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, quant à celui qui se détourne de mon rappel, ceci englobe ce qui est obligatoire et aussi ce qui est recommandé. La prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage font partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme ce qui est obligatoire et recommandé. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que celui qui se détourne du rappel mènera une vie pleine de gêne, c'est-à-dire sans sérénité, ni apaisement. Et tout ceci à cause du fait qu'il s'est détourné du rappel d'Allah. Car le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'exécution de son obéissance est la vie pour le cœur et l'apaisement des poitrines. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 28 de sourate le tonnerre, sourate al-Ra'd, Allah il dit الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Et même si celui qui s'écarte du rappel est riche, cela ne lui est pas profitable. Et cela ne va pas enlever l'oppression qui se trouve dans sa poitrine. Regarde avec attention l'état de beaucoup de mécréants. Malgré leurs biens et leurs richesses, ils vivent une vie triste. Et des fois, cette sensation peut même les amener au suicide. Et tout ceci n'est que le résultat de s'être détourné du tawhid et de la guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, donc dans le verset de surat, dans les versets de surat Taha, selon la traduction, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Et donc cette personne s'étonne de ce changement brutal, car sur terre il voyait. Et Allah lui dira selon la traduction, tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné en enfer. Et donc voici la rétribution de celui qui se détourne du rappel. Et quelle mauvaise rétribution! Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc après avoir fait l'explication de cette parabole, nous allons mentionner certains de ses enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de cette parabole est la dangerosité de se détourner de la religion, car cela mène en enfer et fait partie du conseil de vous mettre en garde sur un phénomène répandu en France et depuis cela de nombreuses années. Ce phénomène qui est la parole de certains musulmans lorsqu'ils disent « Je suis musulman, mais non pratiquant. » Et certes, cette parole est très grave. Et cette phrase est à la base composée de deux termes incompatibles qui sont l'islam et la non-pratique. Et ces deux termes, comme nous l'avons mentionné précédemment, sont certes incompatibles et totalement contradictoires. Car l'islam est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme les savants l'ont mentionné, la soumission à Allah par l'unicité et la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Telle est la définition de l'islam. Et il ne suffit pas juste de se dire musulman avec la langue et de s'appeler Zayd, Bakr, Amr ou Khalid et d'être d'origine d'un pays musulman et de dire cela suffit. Non, par Allah, cela ne suffit pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Huraira, qu'Allah l'agré, qui est rapporté par l'imam muslim, il dit, celui dont les œuvres le retardent, son origine ne l'avancera pas, c'est-à-dire qu'elle ne lui profitera pas. Et donc le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Et certains d'entre eux qui mentionnent ce genre de paroles, je suis musulman, non pratiquant, en plus de dire, d'accord, musulman, mais pas pratiquant, et donc qu'ils ne connaissent rien de l'islam, et qui ne pratiquent rien de l'islam, ils vont te dire, de toute façon, le musulman, il finit toujours par aller au paradis. Cette parole est certes vraie, mais cette personne, qu'Allah soit bienfaisant envers vous, a oublié un détail qui est très important, que beaucoup de gens, parmi les musulmans, sauf à ceux à qui Allah a fait miséricorde, ignore. Et ce détail est que parmi les annulatifs de l'islam, comme les savants l'ont mentionné, il y a le fait de se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cet annulatif que l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a clôturé son livre Nawaqid al-Islam, son livre intitulé Les annulatifs de l'Islam. Il dit, je cite, le dixième annulatif consiste à se détourner de la religion d'Allah, ne pas la prendre, ni la mettre en pratique. Et la preuve est la parole d'Allah. Wa man azlama mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna min al-mujrimin muntaqimun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 22 de sourate As-Sajda, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Fin de citation. Mais en vérité, ce genre de paroles et ce genre d'agissements sont souvent dus à certaines doctrines et à certaines théories telles que la liberté d'expression, ou sont sûrement dus à l'influence de certains faibles d'esprit parmi ceux qui sont censés, et je dis bien censés, représenter les musulmans en France, et qui lorsqu'ils passent à la télévision n'ont aucune honte et n'ont aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à appeler les musulmans à se dire chrétiens. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala à qui on demande le secours. Le deuxième enseignement est la stupidité de celui qui se détourne de la religion. Car en vérité, celui qui se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est certes détourné de ce qui est le plus profitable et durable et qui est la cause de tout bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et le troisième enseignement qu'on tire de cette parabole, c'est la dangerosité de détourner les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui se détournent de son rappel et ceux qui se détournent de sa religion et de son livre et de ses ordres. Alors que dire de celui qui va être la cause de cette chose, c'est-à-dire qui va être la cause que les gens se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va être la cause que les gens se détournent du Coran? Il n'y a pas de doute que cette chose-là est dangereuse, et il n'y a pas de doute que son auteur s'expose à un lourd châtiment. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole, et donc il nous restera juste à faire les paraboles, à étudier les paraboles qui se trouvent dans sourate at-Tahrim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.